suis détraqué à cause de l'amour. Anna, mon amour, je viens tous les jours, je fais tout pour toi, chérie, sois à moi. Yo que langa wayo, na pepi zoto, na yena respect, lelo yamba. Amen.